Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emma. Et toi? Je m'appelle Samuel. Quel âge tu as? J'ai 2 ans. Et toi? J'ai 2 ans. Au revoir. À demain.